Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Saviez-vous que le mot gore ne date pas d'hier ? Il apparaît dès le XIIe siècle dans la langue anglaise. Il désigne le sang coagulé et par extension la saleté, les excréments. Bien avant que l'adjectif ne soit appliqué au cinéma, le terme gore est également utilisé par Shakespeare. Mais oui, dans Macbeth par exemple, quand celui-ci raconte à la scène 3 de l'acte 2 comment il a tué les gardes du roi Duncan. Here lay Duncan, his silver skin laced with his golden blood. And his gashed stabs looked like a breach in nature for ruin's wasteful entry. They're the murderers, steeped in the colors of their trade, their daggers unmannerly breached with gore. Gore s'oppose alors à blood, qui désigne plutôt le sang qui coule dans les veines ou hors des veines. Le gore renvoie donc au sale, au viscère, à ce qui fait plisser les yeux et retrousser le nez, sortir d'étranges vocalises qui viennent du fond de la gorge exprimer à la fois le dégoût et l'amusement face à l'artifice qui ne se cache pas. Alors comment est né le cinéma gore ? Et pourquoi ce terme s'applique-t-il aujourd'hui de manière quasi exclusive au 7e art ? La réponse aujourd'hui en compagnie de l'auteur du cinéma gore, une esthétique du sang, paru aux éditions du Cerf, Philippe Rouillet. Dracula run up to my place and meet my family face to face. My mother-in-law, she's getting long in the tooth. She wants a new fur coat and long lost youth. She howls if I don't treat her nice. She makes my blood run cold. Bonjour Philippe Rouillet. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci beaucoup. La chanson que nous sommes en train d'écouter s'appelle The Horror Show, Sharky Todd. Et alors je vous mets au défi de reconnaître l'extrait qui a ouvert cette émission, vous qui êtes spécialiste du cinéma gore. Je sais pas. On peut pas savoir, on a un bruit de désarticulation et de d'étranglement ça de personnes. Ça m'évoquait Brain Dead, mais peut-être presque pas. Presque, Evil Dead. Ah bah oui, on n'est pas loin. C'est ça. Sam Raimi, c'est le début des années 80, c'est une sorte d'âge d'or du cinéma gore. Parce qu'il y a eu un âge d'or du cinéma gore. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bah, on va peut-être en parler ce matin. Alors dites-nous, cinéma gore, quand est-ce que le premier film gore date de quand ? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que très souvent dans l'histoire du cinéma, on ne peut pas dater. Si je vous dis le premier film policier, il y aura toujours quelque chose avant. Alors le premier film gore, on peut le dater, puisque les auteurs, c'est-à-dire le réalisateur Herschel Gordon Lewis et son producteur David Friedman, ont dit « Nous, on va faire un film gore ». Et voilà, et ils l'ont annoncé, ils l'ont fait. Et c'est 1963, et c'est Blood Feast. En fait, l'idée, c'est qu'avant, ils faisaient ce qu'on appelait des nudies. Les nudies, c'était des films avec du nu. Alors évidemment, pas porno et tout ça, juste ce qu'on pouvait montrer. Donc souvent dans des colonies de naturistes, avec des pots de fleurs qui se baladaient au bon endroit pour masquer ce qu'ils pouvaient pas montrer. Et puis ils se sont aperçus au début des années 60 que la production hollywoodienne normale commençait à les concurrencer en matière de représentants de cuisses et de seins, quoi. Donc quoi faire ? Ils se sont dit, on n'a pas de talent, on n'a pas d'argent, on n'a pas de bons acteurs. Donc, il faut faire quelque chose que les autres ne font pas, sinon les gens n'iront pas voir nos films. Eh ben, on va tuer les gens de manière atroce. Enfin, évidemment, pour de faux. On va représenter la mort, voilà. Donc c'était commercial à la base. Donc c'est purement commercial. C'est un geste purement commercial. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire dans un sous-genre du cinéma d'horreur. C'est-à-dire, on va créer le dégoût, pas la peur, mais le dégoût en montrant des choses affreuses. Et finalement, eh ben, une esthétique va naître de ça. Un jeu va naître de ça et petit à petit, ça va contaminer l'ensemble du cinéma. L'idée, ils l'ont eue, en fait, et dans mon livre sur le cinéma gore, j'ai pu reproduire cette lettre. Une lettre du producteur au rédacteur en chef de Midi Minuit Fantastique, qui était Jean-Claude Romer, en lui disant, voilà, c'est une lettre d'avril 63, en disant, on vient de faire un film gore. En fait, l'idée m'est venue quand j'étais à Paris et que j'ai vu une représentation du Grand Guignol. Alors, qu'est-ce que c'est le Grand Guignol ? Alors, le Grand Guignol... Rien à voir avec Guignol. Hein. Ah bah oui, non, le Guignol qui serait grand. Hein, c'est-à-dire que là encore, la représentation est bigger than life. C'était un théâtre qui était rue Chaptal à Paris et qui représentait justement ça, qui représentait des mélodrames outrageusement sanglants. avec un mélange de comédie. Alors la comédie, ça pouvait être le chirurgien qui s'apercevait qu'il avait oublié ses ciseaux dans le ventre de la malade. Et puis alors sinon, bah, c'était des histoires de vengeance. C'était pour faire rire ou pour faire peur ? Alors c'était les deux. L'idée, c'était, c'est pour ça que dans une soirée au Grand Guignol, vous aviez plusieurs pièces et au milieu, il y avait toujours des pièces pour faire rire et entre-temps, des pièces pour, pas tellement pour faire peur, mais pour créer l'effroi. L'effroi devant tant d'horreur représentée sur la scène. C'est quoi la différence entre la peur et l'effroi ? L'effroi va plus vers le dégoût, alors que la peur, c'est vraiment viscéral. On peut tout à fait faire peur sans gore. Et d'ailleurs, le gore fait relativement peu peur, on peut dire. Par contre, ça vous dégoûte. Et ça vous renvoie, où je parle d'effroi, ça vous renvoie en quelque sorte à votre nature. À votre nature tripale, de masse de sang, de chair, de barbaque. Hein. C'est ça qui est insoutenable, c'est qu'en fait on sait qu'il ne tient pas à grand chose, qu'on ressemble à la personne qui est en train de se faire éviscérer devant nous. Et c'est notre devenir en quelque sorte. Voilà, ça c'est absolument insoutenable. Alors vous disiez, le réalisateur de Blood Feast assiste au Grand Guignol, propose ses films pour des raisons commerciales. Pourquoi choisissent-ils, ils sont deux, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a le producteur, il y a le réalisateur et le producteur et ils travaillent vraiment... Herschel Gordon Lewis, c'est le réalisateur. Le réalisateur et David Friedman, son producteur. C'est vraiment, ils travaillent en binôme. Hein, parce que de toute façon, il y a une économie, je veux dire, ils font un long métrage avec 24 000 $. Je veux bien que ce soit des dollars de 63, mais c'est rien du tout. Donc, est-ce qu'ils choisissent le terme gore ? Oui, ils choisissent ça. Ils choisissent ça pour la raison que vous avez donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est pas simplement sanglant. Ils veulent du sale. Ils veulent du sale. Et c'est ce que raconte le premier film, Blood Feast. C'est l'histoire d'un traiteur égyptien qui va préparer un repas uniquement en ayant cuisiné des organes prélevés sur des jeunes femmes vierges. Alors c'est tout un programme et évidemment, plus que le repas, on voit comment il va se procurer faire son marché. Donc on a 5 séquences et dès le pré-générique, il attrape une jeune femme dans son bain et c'est une énucléation. C'est quoi une énucléation ? Eh ben on arrache l'œil et après on l'ampute de ses jambes. Donc il y a un côté très artisanat, très boucherie, parce qu'évidemment les corps ne se démantibulent pas comme ça, donc il faut y aller à la scie. Il y a tout un travail très physique dans le gore, hein, et puis après la sidération du corps mutilé. La dernière scène donne ceci. Jeune et belle déesse, cette boisson est pour toi, déesse de la nuit pour toi, Ishtar. Cesse de crier, veux-tu ? Accepte de t'offrir à moi. Accepte donc de mourir, ma déesse. Accepte, écoute-moi. Blood Feast sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, un extrait de ce premier film gore en compagnie de Philippe Rouillet qui est avec nous ce matin pour nous parler du cinéma gore. Alors il faut imaginer que dans cet extrait, il faut voir le type qui est en train de mélanger une mixture de sang et d'organes dans une marmite et elle crie et lui il est en train de la fouetter, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Oui, c'est ça, il la fouette pour récupérer son sang. C'est un dispositif très ingénieux qu'il a mis au point pour récupérer, pour faire sa sauce. Parce que je vous ai dit, c'est une sorte de traiteur égyptien et donc il accommode des organes de vierge. Et là, je dirais que c'est la scène la plus soft qu'on entend, hein, parce que recueillir le sang, bon voilà, quand il s'agit d'arracher la langue, c'était quand même autrement les seins qui sont coupés, qui sont posés mis dans au le four. Voilà, c'est il y a quand même un côté. Et alors vous avez entendu, c'est lui-même, Herschel Gordon Lewis, qui a composé la musique sur un espèce d'orgue. Bon, tant pis. Enfin, il y a, je veux dire, tout est fait à l'économie, et il y a un côté un peu crado. qui rajoute à l'horreur. C'est-à-dire que rien n'est net, rien n'est beau, rien n'est... Même oui, la musique, on ne sait jamais si elle sonne juste ou pas. Oui, on a presque l'impression que nos appareils de musique sont déréglés et on se demande comment il a enregistré ça. Tout a été fait à l'économie. Et du coup, il y a un côté Kraspect un peu... presque comme si c'était du réalisme, alors qu'évidemment, les effets spéciaux ne le sont pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce réalisateur a vraiment mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il considérait que le sang qui était utilisé jusqu'ici par les productions hollywoodiennes, à dose beaucoup plus homéopathique, n'était pas réaliste. Donc il a inventé sa propre recette de sang. C'était abominable parce qu'il tachait les vêtements de manière indélébile. Donc, comme on ne pouvait pas faire beaucoup de prises, il fallait faire attention à ce que la prise avec le sang soit la bonne parce qu'après, il n'y avait pas assez de vêtements pour changer pour les comédiens. Et pour ce qui est des organes, il avait un mélange. Il travaillait lui-même la cire et la peau de poulet. Et comme ça, il créait des moignons, des morceaux de viscères qui surnageaient comme ça dans le bouillon de sang. Le film sort sur les écrans, il trouve un distributeur et est-ce qu'il rencontre un public ? Alors, il rencontre un public fou. C'est-à-dire qu'il sort aux États-Unis. Hein. En France, on tardera à le voir. Mais aux États-Unis, il a toute cette économie des drive-in. Et c'est ça le secret du gore. C'est-à-dire qu'au départ, comme il s'inscrit vraiment dans le marché du cinéma d'horreur, comme une sous-catégorie, pas une sous-catégorie au sens quelque chose de moins bien, mais un sous-ensemble, donc une partie d'eux, il y a un public conquis. Et surtout, ce public-là, petit à petit, comprend que la publicité n'a pas menti. On voit vraiment des cadavres comme on n'a jamais vu comme ça Alors c'est ça quand même l'innovation, au-delà de la... Peut-être que c'est pour des raisons commerciales qu'ils innovent, mais ils proposent quand même quelque chose de radicalement différent à l'écran. C'est ça on n'a jamais vu ça avant. Ils sont malins, c'est-à-dire que c'est comme des bons vendeurs. Ils savent qu'il faut vraiment qu'ils aient un produit innovant s'ils veulent le vendre, parce que ça ne résistera pas. Sinon, si c'est que de la pub, dès l'instant que le film sera en salle, les gens diront que c'est comme d'habitude. Donc là, pour qu'il y ait un bouche à oreille et qu'ils puissent en faire d'autres, eh ben, ils assurent vraiment le choc. Et ce qui est très intéressant quand on voit Bloodfish, c'est que ce côté où tout d'un coup on s'arrête pour massacrer quelqu'un, ça prend du temps. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça va complètement démantibuler la narration. C'est-à-dire que ça devient comme une parenthèse dans le récit parce qu'on prend beaucoup de temps. Et c'est un peu comme dans le film porno. Si vous voulez, tout d'un coup, il y a la scène pornographique qui va interrompre le récit. Et si vous mettez trop de scènes de gore, il n'y a plus de récit. C'est-à-dire que c'est une série de scènes et on n'a plus le temps de raconter quoi que ce soit. Parce qu'au moment où on commence à raconter, au lieu de dire il tue la femme, ça prend 5 minutes. Et nous, spectateurs, on a cette espèce d'effet de sidération, de voir ce qui se passe, même si... Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on emploie parfois le mot gore. Quelqu'un s'est coupé en faisant la cuisine, on dit « oh là, c'est gore ». Mais non, c'est pas gore, parce que le gore, c'est quand même le faux. Hein. Le vrai sang n'est pas gore. Hein. On est d'accord qu'il y a ce pacte de représentation avec le spectateur. On est dans le domaine de l'illusion. On sait que c'est de l'artifice. On sait que c'est de l'artifice. Alors, il faut que ce soit le plus réaliste possible. Mais en même temps, on sait que c'est l'artifice. On sait que c'est l'artifice et pourtant, ça nous terrorise. Vous parliez d'effroi. Je vous propose d'écouter, avant d'entendre d'autres extraits de films gore, un texte d'Edmund Burke, figurez-vous, qui s'intéresse sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. Et lorsqu'il parle du sublime, il réfléchit sur le sentiment de terreur qui nous prend à la gorge bien souvent quand on assiste à des spectacles. Écoutez ce qu'il en dit, vous verrez de quelle manière ça s'applique au cinéma gore. Aucune passion ne dépouille aussi efficacement l'esprit de tous ses pouvoirs d'agir et de raisonner que la peur. Car, étant l'appréhension de la douleur ou de la mort, elle agit d'une manière qui ressemble à la douleur véritable. C'est pourquoi tout ce qui est terrible pour la vue est également sublime. Que la cause de la terreur soit ou non de grande dimension. On ne saurait en effet considérer comme insignifiante et méprisable une chose qui peut être dangereuse. Il existe beaucoup d'animaux qui, dépourvus d'une grande taille, sont néanmoins capables d'éveiller les idées du sublime, parce qu'on les considère comme des objets de terreur. Tels sont les serpents et autres bêtes venimeuses. La terreur est en effet, dans tous les cas possibles, d'une façon plus ou moins manifeste ou implicite, le principe qui gouverne le sublime. Philippe Rouillet, dans quelle mesure ce mélange de sentiments de terreur et de fascination qui sont à l'œuvre dans le sentiment du sublime peut-il s'appliquer au cinéma gore selon vous ? Bah, assez vite, en fait, le cinéma gore va sortir de son carcan étroit du commercial pour avoir des ambitions, sinon philosophiques, du moins politiques, esthétiques. Et on pourrait dire que c'est Georges Romero, à la fin des années 60, quand il fait La Nuit des Morts Vivants, où là, tout d'un coup, il va utiliser le gore pour parler, effectivement, d'une part, du statut vraiment de l'homme sur Terre, et aussi en réaction à la violence des images, en réaction au Vietnam. Et tout d'un coup, il y a cette idée de créer presque du beau. C'est-à-dire que le film est en noir et blanc, et on assiste évidemment à un festin de zombies qui est éclairé par une voiture en flammes. Et tout d'un coup, il y a ce travail sur l'image noir et blanc. Il se passe quelque chose d'esthétique en même temps d'horrible. Et on a bien ce mélange de terreur et de sublime. C'est-à-dire que chez Romero, c'est instinctif. Au départ, il n'avait pas forcément envie de faire un film d'horreur. Et puis, il s'est dit que ça serait peut-être plus facile, que c'était une mode à ce moment-là. Et il s'en est emparé. Il en fait quelque chose de beaucoup plus fort que le tout venant de l'époque. Et il y a déjà cet instinct de cinéaste de sublimer ce qu'il montre. Et comme ce qu'il montre est horrible, il y a par exemple une séquence absolument incroyable où une petite fille va tuer sa mère à la truelle avant de la manger. Et c'est justement dans une cave. Et c'est le seul endroit de la cave où il y a une partie éclairée. Et donc, il y a un jeu d'ombre et de lumière et caché, montré. On décide qu'on va tout montrer et en même temps, on se dit qu'on pourrait quand même un petit peu le cacher. En tout cas, on va y mettre une vision artistique voilà, à l'intérieur. Voilà, c'est ça ce que vous dites et ce qui fait suite au texte de Burke, c'est qu'il y a une esthétique du gore. Il y a un code, une manière de filmer quelque chose de gore. On ne filme pas de la même façon. On montre tout, par exemple. On ne suggère rien. Alors, on montre tout, mais justement, quand on montre tout, il faut rentrer dans une grammaire. C'est-à-dire que si vous montrez tout, il faut montrer tout du mieux possible. Alors, pour mieux voir, c'est comme dans la vie, quand vous voulez. Vous vous approchez pour voir vraiment en détail, et en même temps, vous avez besoin de recul. C'est comme quand vous êtes au musée, hein, vous regardez un tableau. Vous vous approchez pour voir un détail, mais vous avez besoin de vous reculer pour voir l'ensemble. Parce que si vous regardez que sur des détails, vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus que, par exemple, des plaies béantes, des bouts de viscères. Vous ne savez même plus où est quoi. Donc, vous avez besoin d'avoir le très gros plan et aussi un plan plus éloigné. Et du coup, il y a une grammaire très basique qui se crée à partir de ça. C'est-à-dire qu'on est dans le tout montré. En plus, il faut bien comprendre que à la fin des années 60, on est quand même très dépendant des effets spéciaux. Alors aujourd'hui, évidemment, en un coup de numérique, on peut tout montrer, on peut tout faire, et c'est très facile. Sauf que le gore y a beaucoup perdu. Parce que le gore a besoin d'être incarné. Le gore, on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est le sale. Donc ça passe par la matière. Si c'est lisse comme du numérique, vous pouvez montrer les corps les plus éventrés du monde, ça fait ni chaud ni froid. Alors que Quand même, quand on voit des films de zombies, il en sort beaucoup quand même depuis quelques années, il y a des choses qui sont absolument immondes. Oui, mais c'est beaucoup moins immonde que quand vous faites des effets à l'ancienne et où vous voyez des morceaux de... Même si ce sont des prothèses, que c'est du plastique, que c'est tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose d'organique qui est contre le numérique. Et donc il y a une fin du cinéma gore pour vous. Enfin, le numérique signe la fin du cinéma gore. Le numérique adoucit le cinéma gore, ça c'est sûr. Donc il entraîne une nouvelle manière de filmer, une nouvelle esthétique, l'esthétique gore. Ça veut dire qu'on va montrer ce qu'avant on ne montrait pas. Il y a quand même une réflexion autour même du cadrage. C'est absolument. Il n'y a pas de hors-champ en fait dans le cinéma gore. Parce que c'est ça, c'est l'hors-champ et l'ellipse. Avant, c'était soit vous montriez quelqu'un qui reçoit une balle de très loin, donc vous voyez un petit trou rouge sur son vêtement et on comprend qu'il va mourir. Et on s'arrête là. Soit c'est hors champ, il y a quelqu'un qui tire, l'autre s'écroule, ou alors on fait une ellipse. Là, tout ce qui était en dehors du cadre devient dans le cadre, devient au milieu du cadre, au milieu du champ. Donc c'est une inversion totale. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne peut exister qu'avec l'évolution des censures. Oui, c'est ça ce que j'allais vous dire. Depuis les années 30, avec le code Hays aux États-Unis, on ne peut pas montrer tout ça. Ah ben non. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a des audaces au moment du cinéma muet. On retrouve des plans. Souvenez-vous, dans ce film que tout le monde a vu, Un chien andalou, Luis Buñuel, Salvador Dali, 1927. On assiste vous aussi vous à... Vous souvenez comment ça commence? Avec cette lame de rasoir qui traverse un œil et il y a l'humeur vitrée qui sort. Donc là, on est vraiment ça, dans c'est le gore. Ouais. Ah ben c'est hyper gore. C'est un plan gore. Donc gore, ça veut dire qu'il montre tout en détail et que c'est dégueulasse. En fait. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, effectivement, quand les censures se mettent en place aux États-Unis, mais dans les autres pays, jusqu'au mi-temps des années 60, c'est absolument impossible de représenter ça, parce que ça ne passerait pas. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les réalisateurs, c'est comme l'évolution du nu au cinéma, hein. Comment petit à petit, on va essayer de montrer de plus en plus de chair, et là, on va montrer de plus en plus de sang, de boyaux, on pousse jusqu'à la possibilité de tout montrer. Et je veux dire, au mi-temps des années 60, ça y est, on peut tout montrer. Donc, pour les cinéastes, et ce qui est très intéressant, c'est que ça va très vite passer du cinéma gore, du cinéma d'horreur, au cinéma traditionnel. Donc, désormais, quand vous faites un film, vous avez le choix entre soit retrouver les bonnes règles du hors-champ comme autrefois, soit vous êtes dans la représentation. Pose une question purement esthétique. C'est ça. Et on ne peut pas dire ne pas montrer c'est beau, montrer c'est moche. Non, il faut aller au-delà de ça. Ça peut être très beau de montrer. Mais au service de quoi ? Comment on va le faire ? Évidemment, il n'y a pas une manière de montrer. Bien sûr que, tout à l'heure, quand je disais il y a le gros plan, le plan d'ensemble, ça c'est la base. Mais après, c'est comme tout. C'est comme si on disait, on va peindre le nu. Vous avez autant de peintres que de manières d'aborder le nu. Eh bien, c'est pareil pour le cinéma gore. L'effet gore, il y a autant de cinéastes que de manières de l'aborder. Alors, est-ce que le pire n'est pas, non pas quand on montre tout, mais quand on montre quelque chose en faisant croire que l'intérêt se porte ailleurs? C'est-à-dire, parfois, on rit, on se demande si finalement, est-ce que c'est plus drôle ou plus horrible. Et parfois même, il y a certains films qui mettent en scène des bains de sang, mais où il y a une discussion qui par-dessus vient laisser penser que finalement, le sang qui coule est secondaire. Je pense notamment à un film MASH, qui, pour le coup, vous parliez de la dimension politique du cinéma gore, comme si les États-Unis investissaient une forme d'inconscient qu'ils n'osent pas du tout aller creuser, une révolte, dans le cinéma. Et là, dans MASH, dans l'extrait qu'on va entendre, donc réalisé par Altman et sorti en 1970, Robert Altman, on assiste à des scènes d'opération, des médecins qui viennent essayer de soigner les blessés de l'armée qui sont au Vietnam. Et alors qu'ils sont en train de discuter, mais il y a littéralement des bains de sang, des corps qui sont démembrés. Et eux, ils tiennent leur discussion de médecins qui sont plutôt sympathiques et qui ne sont pas du tout horrifiés. Est-ce que c'est pas pire parfois qu'une scène vraiment où on voit des viscères qui sortent? Écoutons l'extrait, vous nous direz, Philippe Rouillet. Scorch, I need some more sponge. Give me just a minute left. Okay. Give me some big hunks of sponge or something for Colonel. Also some big sponges. You'll have to use these. Oh, that's bleeding. That's gotta come out of there. I can't stop that bleeding down there. Je sorte ce truc, mais j'arrive pas à arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Yeah. Mais non, c'est vrai ce qu'on raconte sur vous que. Si on s'occupait un peu de Serin, s'il vous plaît, hein? Ouais, ouais. Il est mignon, hein? Donnez-moi des clamps. Vous m'avez demandé, Capitaine Pierce? Non, appelez-moi Hugues de Lynx. L'acide. Oh là là, j'y vois rien. C'est les chutes du Niagara là-dedans. Venez attraper. Oui. Oh, il est en pièces détachées. Il va falloir l'enlever. Ouais. Ça pisse le sang là-dedans. Pourquoi se défendre? J'y vois rien du tout. Donnez-moi des clamps. Vous le voyez? Pourquoi non, ça, ça commence à être facile. On va y arriver. Grattez-moi le nez. Le bout du nez. Là? Oui. Non, encore un peu plus fort, je vous prie. On va passer à l'autre. Bon, qui tâche? Viens un peu là, prends-moi cet écarteur. Mais je ne... Allez, grouille-toi. C'est pas fini, hein. Regret, gros qui tâche, mais celui-là est vivant. L'autre est mort, il risque pas de s'en aller. Tiens, essaye de le tenir avec deux doigts, ouais. Alors évidemment, quand on écoute que les dialogues comme ça, il y a absolument rien de terrible. Il faut imaginer ce qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, au moment de cette scène, on voit pas grand-chose non plus, hein. On entend ce qu'ils disent et c'est le fait d'imaginer, donc cette fois-ci, quelque chose qui est peut-être hors champ, qui rend la discussion insoutenable. Parce que ce qui est important, c'est que à d'autres moments du film, et notamment avant, on voit les choses. Parce que vous comprenez, avant, le spectateur, il était très tranquille. Il savait que même si on lui parlait des choses les pires, tout serait dans le hors-champ. Et là, quand au début du film, vous montrez quelque chose avec beaucoup de sang, désormais, vous êtes sur vos gardes, parce qu'à tout moment, ça peut débouler. Alors là, Altman, qui a cet esprit corrosif, qui a toujours fait la pulpe de son cinéma, retrouve l'esprit carabin. C'est vraiment les types, c'est comme des potaches à l'école de médecine, ça rigole avec des morceaux de cadavres, ça drague à fond les infirmières. Et c'est l'idée de faire un film de guerre où on n'est jamais sur le front. On est juste à l'arrière avec c'est l'infirmerie de campagne, si vous voulez. Donc on leur ramène les corps, et là, c'est la boucherie non-stop. D'autant que pour eux, c'est vraiment du travail d'abattage. Ce qu'ils pensent, c'est avoir vite fini pour aller se faire les infirmières sous la tente juste après, ou jouer au golf et se faire des martinis. Ce qui rajoute à la violence, à la boucherie à laquelle on assiste. Et ça, c'est un élément du gore qui est le côté répétitif. C'est-à-dire que si on regarde MASH dans sa continuité, c'est sans cesse ça. Parce qu'évidemment, l'activité de ces types qui sont des chirurgiens, j'allais dire des bouchers, c'est tous les jours se ressemblent. Et du coup, il y a un effet sériel dans le gore. C'est-à-dire que s'il n'y a pas qu'une scène, mais il y a deux scènes, trois scènes, quatre scènes, cinq scènes, et ça finit par peser. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que là, MASH, on est en 70, donc c'est évidemment en réaction contre la guerre, parce que... Le cinéma, vous savez, il n'est pas dans une bulle. Le cinéma, il émane d'une société à un moment précis. Et le Vietnam, c'est la seule guerre qui a été radiodiffusée, télédiffusée en direct. C'est-à-dire qu'il y avait carrément des opérations sur le terrain qui étaient coordonnées pour tomber avec le journal télévisé. Donc les Américains, en mangeant leur soupe, découvraient, alors au départ c'était censé, on partait la fleur au fusil, et puis tout d'un coup ils ont vu l'horreur du Vietnam, on ne va pas revenir là-dessus. Mais tout d'un coup, le cinéma ne peut pas être Mickey Parade. Et l'autre élément important à relier, c'est l'assassinat de Kennedy et le fameux film Zapruder. Vous savez que Zapruder était là à filmer, à essayer sa caméra. On a un mini-film, quoi, 20 secondes. Et on a 20 secondes, mais dans ces 20 secondes... De l'assassinat de Kennedy. On voit la cervelle de Kennedy qui saute. Et il y a vraiment le photogramme, et on l'a vu ce photogramme. Et quand Arthur Penn fait Bonnie and Clyde en 1966, à la fin, quand Bonnie and Clyde meurt dans une boucherie sanglante, il tient à ce que le bout de cervelle de Clyde Barrow, joué par Warren Beatty, on le voit partir exactement de la même manière que dans le photogramme de Zapruder où on voyait la réalité de Kennedy. C'est-à-dire qu'il y a une réalité des images que tout d'un coup on montre et le cinéma doit être à la hauteur de ça. Et est-ce que le relayer film, un choc aussi fort. Le film pris par hasard de Zapruder de l'assassinat de Kennedy a une influence sur le cinéma? Bah complètement. Parce qu'on voyait la cervelle de Kennedy, on s'est dit, bah tiens, on peut la filmer. Oui, c'est-à-dire que Arthur Penn recopie le photogramme, donc là on ne peut pas imaginer influence plus grande, mais de manière générale, ça donne une intensité. C'est-à-dire qu'on a vu la cervelle de son président. Donc, à partir de là, le cinéma, si vous voulez dire, attention, on va vous décoiffer, il faut s'employer pour arriver... être à la hauteur de la réalité, en fait. Exactement. Ouais. Le cinéma doit être à la hauteur des images d'actualité. Alors, ce n'est pas le cas tout le temps, parce qu'il y a un film et qu'on cite souvent comme étant le film gore par excellence, qui là, pour le coup, n'est pas du tout réaliste. Enfin, pas à ma connaissance, c'est L'Exorciste. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker! Be silent! Oh! Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Let the enemy have no power over me. I'm the son of iniquity, be powerless to harm her. Your mother sucks cocks in hell, Karras, you prayer. Faithless slime. Come unto me. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Holy Lord, almighty Father, everlasting God and Father of our Lord Jesus Christ, to confront this cruel demon. See the cross of the Lord. Begone, you hostile power. O Lord, hear my prayer. Let my cry come unto thee. The Lord be with you. And also with you. Ce râle que vous entendez vient du film L'Exorciste, réalisé par William Friedkin et sorti en 1973. Vous l'écoutez sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Philippe Rouillet, L'Exorciste, c'est le premier film d'horreur, le premier film gore qui a autant de succès, c'est ça? Je pense que La Nuit des Morts Vivants avait eu énormément de succès, mais auprès des intellectuels. C'est le premier film d'horreur contemporain qui est montré au Musée d'Art Moderne, par exemple. La Nuit des Morts Vivants? Oui, dès 70. Mais L'Exorciste devient un phénomène de société. Il devient un phénomène de société, mais c'est pas à cause du gore, c'est parce que tout d'un coup, il y a deux choses. C'est le religieux qui est en question, et d'une certaine manière, à mon avis, le statut de l'enfant roi. Vous savez que les années 70, la pédagogie de l'enfant a complètement changé, et par rapport à ce statut où désormais on doit un peu tout donner aux enfants, L'Exorciste propose un film où on torture un enfant pendant 2 heures. Oui, parce que le film a quand même une histoire, cette petite Regan, une petite fille qui est soi-disant possédée par un démon, et donc on va essayer de l'exorciser. Voilà. Et alors, entre l'exorcisme qu'on lui fait, qui est pas sympathique, et puis ce que lui fait le démon qui la possède, ça fait beaucoup, quoi. Donc, en gros, on a deux heures de sévices sur une gamine. Alors, c'est pas vraiment gore, hein. On peut mettre dans le gore les séquences... Là, dans les séquences qu'on entend, elle vomit une espèce de bile verdâtre sur les prêtres. Cette purée de pois cassée, là, cette bile verte, voilà. Parce qu'une bonne définition du gore, c'était dans Cher pour Frankenstein, en disant « Ah, mon Dieu, tout ce qui est dedans se retrouve dehors ». Voilà, et il y a un peu de ça. Donc, quand vous vomissez vos tripes de manière totalement irréaliste, comme c'est le cas, voilà. Par contre, d'autres séquences où elle fait l'araignée avec le corps démembré, où elle descend l'escalier, c'est pas vraiment gore. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la possibilité du gore, c'est qu'on ne sait plus où on en est. On est dans un espèce de no man's land où on ne sait pas ce qui va arriver comme représentation. Et un film comme Massacre à la tronçonneuse, qui n'est pas du tout gore, il n'y a pas de sang dans Massacre à la tronçonneuse, mais à tout moment, on se dit qu'il va y en avoir. Alors, il y en a beaucoup dans la suite, hein, Massacre à la tronçonneuse numéro 2, alors là, c'est tout ce qu'il n'y avait pas dans le 1 se retrouve là. Mais il y a une ambiance poisseuse, il y a cette vision des ossements, et puis surtout il y a ce son, le son de la tronçonneuse, et on imagine très bien le bruit crissant du rasoir sur les os, quoi. Il y a quelque chose là à ce moment-là, parce que le gore est aussi audio. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on montre, mais il y a aussi ce qu'on entend. Et l'extrait de l'exorciste était pour ça très parlant. C'est-à-dire qu'on entendait avec ces déluges de bile verte qui sortent de la bouche de cet enfant, il y a aussi tout le son qui ajoute à l'effroi. Et là encore, comme on arrête l'ellipse, comme on arrête le hors-champ, on est dans le temps réel, et ça dure et ça dure. Et donc l'image dure et le son aussi. Et c'est ça qui participe de notre mise à mal en tant que spectateur. Et là, on parle du cinéma américain, on est en 73, on va continuer à avancer dans le temps, mais que se passe-t-il en Europe à ce moment-là? Le cinéma gore, c'est uniquement américain? Alors, le cinéma gore, en tant que genre, c'est avant tout américain, mais l'idée du gore qui s'élargit au cinéma traditionnel, on a ça dans toute l'Europe. On a ça dans toute l'Europe. Il y a des cinéastes, par exemple, Francis Giraud, quand il fait le trio infernal, avec Robbie Schneider et Michel Piccoli. Hein, on n'est pas plus franco-français. C'est des gens qui assassinent des gens. Et là, c'est terrible. On voit comment faire disparaître les cadavres. Alors, on les met dans la baignoire, on les met dans la chaux. Et puis, alors, du coup, ça fait une espèce de sauce avec les os dissous dans la chaux. Et on est des seaux qu'on va enterrer dans la terre. Il y a tout ce côté artisanal avec il faut scier les membres, etc. Donc, on retrouve ça dans le cinéma européen. On a ça en France, on a ça en Angleterre, évidemment. On a ça chez les Monty Python, par exemple. You fight with the strength of many men, Sir Knight. I am Arthur, King of the Britons. Je cherche les plus braves et valeureux chevaliers à travers la contrée pour qu'ils me suivent à ma cour de Camelot. Quoi qu'il en soit, viens, Patty. Personne ne passe. Je n'ai absolument rien contre toi, chevalier, mais il me faut traverser ce pont. Alors tu devras mourir. Maintenant, écarte-toi, noble adversaire. Ce n'est qu'une égratignure. Une égratignure? Il te manque un bras. Non, c'est faux. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu pire. Menteur! Approche, mauviette! La victoire est à moi! Allez, approche! Quoi? Tu vas voir. Non. Écoute-moi, stupide bâtard, tu n'as même plus de bras! Oui, j'en ai. Mais regarde-toi! Ce n'est qu'une blessure superficielle. Arrête ça! Trouillard! Pour le mouiller! Tu continues et je te coupe la jambe! D'accord! Non. Alors là, je vais te faire la peau pour ça! Tu vas quoi? Approche! Qu'est-ce que tu vas faire? Saigner sur moi? Je suis invincible! Viens, Patty! Ah, je vois! Vous vous enfuyez! Allez, espèce de bâtard! Approche un peu! Tu vas en prendre pour ton rhume! Je t'arracherai les jambes avec mes dents! Alors, il y a plusieurs façons de faire rire au cinéma, et surtout dans le cinéma gore. Il y a la surenchère, la répétition, qui même quand elle n'a pas vocation à faire rire, peut aussi faire rire. Et à chaque fois que vous proposez une description d'un film gore, Philippe Rouillet, moi, ça me fait sourire, parce que peut-être une manière de se protéger aussi, hein, parce que c'était absolument insoutenable. Là, c'est assumé par les Monty Python, ici réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, sorti en 1975. C'est la légende d'Arthur, les chevaliers de la table ronde et la quête du Graal. Et donc, deux personnes se rencontrent, l'un se bat, et alors qu'il perd un bras, puis un autre, puis une jambe, puis l'autre jambe, qu'il lui reste plus rien, il dit, mais non, ce sont des égratignures. Le décalage entre ce qui est dit, le constat qui est fait, l'understatement, hein, comme les Britanniques aiment le faire, et ce que l'on voit, c'est ça qui prête à rire. Et c'est volontaire ici. Ah ben c'est complètement volontaire, et c'est exactement ce que vous dites. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est dans, à chaque membre coupé, c'est un geyser de sang qui l'accompagne. C'est-à-dire que c'est... Vous savez, dès le cinéma muet, dès Méliès, on voyait des têtes coupées, etc. Mais tout ça était très propre. Alors que là, l'effet comique vient de... Il dit que c'est une égratignure alors qu'il y a un geyser de sang qui sort de son corps. C'est cette manière de montrer les choses. Et effectivement, à l'intérieur même du gore, il y a le risque de l'humour. Enfin, le risque ou le pari de l'humour. C'est-à-dire que ça devient tellement horrible qu'on ne peut qu'en rire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est quand on pousse le curseur jusqu'au bout et qu'on va en rire. Et là, c'est une parodie du gore. Et voilà, c'est une parodie du gore, mais en même temps, ça passe par une parodie du Moyen-Âge. C'est le Sacré Graal. Et en même temps, vous savez, il y a toute une imagerie qui vient de la peinture, qui vient des récits sur le Moyen-Âge. Les corbeaux qui becquent les yeux et tout ça, je veux dire, ce que va reprendre par exemple John Borman dans Excalibur et tout ça, et là il détourne ça, il pousse le curseur jusqu'au bout pour aller jusqu'à en rire. Et donc, tout devient possible. Parce que là, on est en Europe, on est en Angleterre, mais on baigne dans un cinéma, parce que le cinéma d'horreur, il n'est pas que américain. Les Italiens vont faire énormément pour le gore aussi. Donc, cette manière de sortir du cinéma d'horreur pour aller dans le cinéma traditionnel, c'est vraiment dans tous les pays du monde que ça... Pasolini, Salo, les 120 jours de Sodome, c'est du gore ? Ah bah absolument. C'est-à-dire que plus on avance dans le film, plus c'est du gore. Là encore, vous avez quand même une énucléation et vous avez des mutilations. Et avec ce côté distancié, c'est-à-dire que chez Pasolini, les tortures sont toujours faites devant des voyeurs. Ça fait partie du rituel, hein, dans Salo. C'est-à-dire, vous avez ces généraux fascistes qui regardent les jeunes gens qu'ils ont capturés se faire torturer. Et justement, ces gens qui regardent sont des substituts du spectateur à l'intérieur du cadre. C'est-à-dire qu'on va très vite dans une espèce de mise en abîme et du coup, ça interroge nous, spectateurs, qu'est-ce qu'on est venu voir ? Est-ce que ça nous plaît de voir ces tortures-là ? Alors, Il y a toute une imagerie qui se crée là-dessus et aussi une foule de questions. Par exemple, à la fin des années 70, quand on va passer en Italie avec les films de zombies italiens, mais surtout les films de cannibales italiens, où on vous fait croire qu'on est dans le vrai. Alors on sait qu'on est dans le faux, mais à l'intérieur même de l'histoire, on vous dit qu'on a retrouvé la bobine chez telle peuplade reculée, que l'opérateur a été tué. Parce que c'est ce que disait André Bazin. Comment je peux croire que ce film, on a été filmé des cannibales? Parce que si c'était des cannibales, ils auraient tué l'opérateur. Donc là, on va jusqu'au bout du projet d'André Bazin. Et effectivement, l'opérateur est censé être tué. Et ça a été tellement loin que Ruggiero Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust, a dû aller montrer ses effets spéciaux et certains de ses acteurs au tribunal pour montrer qu'il n'avait pas... que tout était du faux. Mais parce qu'en fait, le cinéma, et encore plus le cinéma gore, pose cette question de ce que nous avons envie de voir à l'écran. Est-ce que le cinéma est là pour nous montrer ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne pouvons pas voir ou ce que nous ne voulons pas voir ? Il y a une forme de violence consentie aussi que le cinéma nous fait. Ben c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que autrefois, quand il y avait des règles qui nous obligeaient au hors-champ, à l'ellipse et tout ça, les choses étaient simples. Là, tout d'un coup, tout devient possible. Donc, pour les spectateurs, qu'est-ce que je veux montrer ? Je peux plus me réfugier derrière les interdits. Et pour le spectateur, c'est pareil. Et pour le spectateur, c'est parfois plus compliqué parce qu'il connaît pas forcément tout le programme à l'avance. Oui, mais pour le spectateur, ce qui est compliqué, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je prends du plaisir à aller voir un film qui me met face à un dégoût inouï? Eh ben, c'est ça qui est très intéressant. Mais et ça a toujours été. C'est l'esthétique du train fantôme. C'est l'esthétique du grand guignol. C'est ce que disait Aristote, l'effet cathartique. L'homme se plaît à voir des animaux sacrifiés sur la scène, etc., etc. Sauf que on n'est pas dans les jeux du cirque. Dans les jeux du cirque, on tuait réellement les gladiateurs. Là, on les tue pas. Donc, on a l'horreur sans l'horreur dans l'esprit, mais sans la réalité. Alors en 1975, l'extrait de film des Monty Python qu'on a entendu date de cette année, on a aussi, du côté de Cronenberg, le début d'une autre forme de cinéma qui pose vraiment une question pour le coup proprement philosophique. C'est le film Shivers, Frisson, en français, donc toujours 1975. Et là, il y a une réflexion sur ce que le corps peut faire à l'esprit, c'est-à-dire l'homme va essayer de se battre contre un ennemi, cet ennemi est purement corporel, purement biologique, il ne réfléchit pas et il va perdre contre cette substance-là. Est-ce que vous voulez en dire deux mots avant qu'on écoute l'extrait? Ah bah oui, parce que c'est avec Cronenberg, ça devient fascinant. C'est-à-dire que il commence par faire des films hyper intello, et il s'aperçoit que ça marche pas et il se dit il faut que j'aille à mon tour dans le gore. Mais il va dire la même chose que dans ses films intello, c'est-à-dire une réflexion sur est-ce que finalement la réalité, la matière est pas plus forte que l'esprit. Alors évidemment, les beaux esprits disent, l'esprit est toujours plus fort que la matière. Non. Lui, il essaye de montrer que, comme on est avant tout un tas de viande, tout d'un coup, si le corps décide de se rebeller contre l'esprit, parce que ce qui est formidable avec Cronenberg, c'est qu'il réinvente l'anatomie, il réinvente la physiologie. C'est-à-dire que dans le film suivant, c'est un dard qui se pousse sous les selles des jeunes femmes et qui pique les gens et qui leur donne la rage. C'est le titre du film. Voilà. Et là, dans c'est rage. Et là, dans Frisson, c'est une espèce de limace qui est de parasite. Parasite. Ça s'est appelé aussi Parasite Murder, le film. Et qui se répand par le baiser ou par les relations sexuelles. Et à partir de là, c'est entre la limace et les troncs. C'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans une esthétique de la merde. Et ce qu'on a pu dire à propos de Cronenberg, c'est qu'il réinventait carrément le récit parce que le corps devient le théâtre de l'action. Et littéralement un théâtre où la peau serait comme un rideau. Et tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'on ne va pas pour voir ce qu'on ne peut pas voir? Effectivement, je ne peux pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Et si je vais faire une radio, ça va être finalement très aseptisé. Alors tout d'un coup, avec Cronenberg, on lève le voile et on voit la poésie des organes, le petit théâtre des organes. Sauf que comme c'est très narratif et que c'est imaginaire, c'est les organes qui prennent le pouvoir et qui décident de vivre autrement que nos organes dans la vraie vie. Ils sont les organes qui sont dirigés par un docteur. Vous souvenez du nom du docteur dans ce film? Ah, j'ai oublié. Hobbes, comme le philosophe, il est fait pour nous. Yes. Right? Me, Rollo. You know, I always thought Hobbes was funny, but I told you that before, right? I just never knew how funny until now. Karl Hobbes pensait que l'être humain est au fond un animal qui s'englue dans ses pensées, une créature vraiment trop rationnelle perdue dans son intellect au détriment de son corps et de son instinct. Qu'est-ce que vous en dites? En d'autres mots, l'homme est trop cérébral et pas assez viscéral. Il a essayé de pallier à cela par un parasite. C'est-à-dire, je cite, un combiné entre un dérivé d'aphrodisiaque et une maladie vénérienne qui pourra, je l'espère, transformer le monde en une démentielle orgie. Tout ça me semble être le comble de l'absurde. Peut-être. Mais il y a un petit détail qui risque de vous intéresser. La petite Annabelle, vous vous souvenez d'elle? Eh bien, elle lui servait de cobaye. Cobaye? Mais oui, il a implanté en elle un de ces parasites-là. Et après, elle est devenue folle, apparemment, disons nymphomaniaque. Et je crois qu'Ops n'est pas arrivé à contrer cela. C'est pourquoi il l'a assassinée. Pour quelle raison? Il y en a une primordiale, à mes yeux. Ops n'a pas voulu supprimer cette fille. Il n'a pas voulu? Non. Ce qu'il voulait abattre, ce sont ces choses qui s'étaient transformées. Extrait Philippe Rouillet que le docteur Hobbes a laissé des notes que nous lit ici le docteur Linsky et qu'en fait s'il a fait ça, s'il a voulu inoculer ce parasite à l'être humain, c'est parce qu'il trouvait que l'être humain était devenu trop cérébral, trop intellectuel et pour lui rappeler sa nature humaine et sa nature corporelle, et voilà, il propage ce parasite là. Voilà, et pour arriver à une sorte de partouze cosmique. Et alors ce qui est très intéressant avec le cinéma de Cronenberg, c'est que on pourrait dire que ça justifie à lui seul le gore, parce que les gens pourraient dire oui, à quoi ça vous sert de montrer un tueur qui va éventrer quelqu'un, on imagine très bien. Sauf que avec Cronenberg, comme ce qu'il raconte n'existe pas, il faut bien le montrer. Quand dans Chromosome 3, il montre par exemple une femme qui, possédée par la rage, accouche, chacune de ses mauvaises pensées l'amène à accoucher d'un enfant monstrueux par le nombril. il faut bien montrer cet accouchement par le nombril. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui relève de l'imaginaire. Donc la représentation est là pour nous montrer. C'est la question de l'homme magnétoscope dans Vidéodrome. Tout d'un coup, une espèce de fente vaginale s'ouvre sur l'abdomen du personnage principal pour qu'on puisse y rentrer une cassette vidéo. Il devient un lecteur, le corps devient un lecteur. Bon, et quand la main en ressort sous forme d'un moignon, etc., le corps va pouvoir à ce moment-là véhiculer tous les fantasmes de castration, de mutilation, etc. Et y a tout un imaginaire qui se crée là-dessus. Et il y a une poétique du corps qui est réinventée par Cronenberg. Donc, chacun de ces films sont, jusqu'à Faux-Semblant, où après, il repart vers d'autres choses. Mais chacun de ces films, regardez la mouche, on va mélanger un homme avec une mouche. Et bah, le résultat, il faut bien le montrer, même si c'est pas ragoûtant. Et c'est très intéressant de voir comment le héros va, quand il s'aperçoit qu'il perd sa condition d'homme, il va créer un musée de lui-même. C'est-à-dire que les morceaux de ses morceaux, ses oreilles, ses dents, sa langue et tout, il va les mettre dans des bocaux. En quelque sorte, c'est la nostalgie de... Et le gore vient parler de ça, de la nostalgie du corps, qui est gagnée par la charogne et qui est gagnée par la mort. Et le zombie, c'est le suprême être gore parce qu'il déchiquette les êtres et il est lui-même un corps en putréfaction déchiqueté. Alors, je renvoie les auditeurs à notre série sur Cronenberg. On avait proposé l'an dernier 4 films de Cronenberg qui reprennent ce que vous dites, Philippe Rouillet. Avant d'entendre un dernier extrait gore, d'ailleurs, sans doute, selon vous, peut-être le dernier du cinéma gore, Brain Dead, une question peut-être plus personnelle. Mais vous avez écrit, Philippe Rouillet, un entretien avec Haneke, le réalisateur Haneke. Là, on est à l'opposé. Le cinéma gore montre tout quand Haneke ne montre rien. Alors, Haneke ne montre rien, mais fait tout entendre. C'est-à-dire que, par exemple, dans les meurtres dans Bédis Vidéo, le meurtre est hors champ, mais on entend tout. Oui, c'est ça, mais on est quand même dans le hors champ, alors que le gore, vous l'avez dit, on est au contraire. Et ça dure, oui, mais il y a quand même un champ sonore. Hein. Il y a quand même un champ sonore qui n'existait pas à la grande époque de l'esthétique du hors champ. Mais c'est très intéressant, c'est-à-dire que il faut pas, ce serait stupide de dire il n'y a de bon bec que dans le gore. Et ce serait tout aussi stupide de dire que la représentation, c'est moche. On peut aimer le fromage et le dessert. Et ce qui est très intéressant après avoir fait un livre sur le gore, c'est d'aller vers un cinéaste qui ne va jamais dans le gore. Bon, fromage et dessert, ici on préfère quand même le fromage, voici Brain Dead. Cet extrait, la scène finale du film Brain Dead, réalisé par Peter Jackson, le réalisateur néo-zélandais à qui l'on doit notamment Le Seigneur des Anneaux, c'est bien le même. Vous entendez des zombies qui passent au mixeur et puis à la tondeuse à gazon, c'est vraiment la scène finale. Enfin, on arrive à exterminer les zombies. Voilà, et la tondeuse au gazon, vous la retournez pour avoir le couteau, évidemment, sur le dessus. Et du coup, il y a les corps qui tournoient et qui deviennent vraiment de la chair à pâté. Là, c'est le film qui a utilisé le plus de faux sang de l'histoire du cinéma. Je crois qu'on était sur 3000 litres, m'avait dit Peter Jackson, avec un plateau incurvé, avec une bonde comme sous une douche, pour pouvoir récupérer et pouvoir remettre le sang, parce qu'on n'arrivait pas à en fabriquer assez. Donc, on réutilisait le faux sang pour le remettre sur les acteurs qui ont quand même passé un... Mais là, on dépasse toutes les limites dans Brain Dead. Limites. C'est-à-dire qu'il y a carrément un enfant zombie qui naît de l'accouplement d'une nonne et d'un curé à la tête coupée. Donc, on ne peut pas imaginer pire. C'est pour ça, selon vous, que le cinéma gore... Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer pire et plus drôle. C'est le côté ultime. Et d'ailleurs, ça a signé la fin du Festival d'Avoriaz. Le Festival d'Avoriaz hésitait à le prendre et puis finalement, il a ramassé tous les prix. Alors après, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ? Eh bien, au-delà de ça, c'est le torture porn. C'est-à-dire que c'est par exemple Hostel Deliros, où là, cette fois-ci, on vous invite à venir voir des gens qui se font torturer, et c'est le spectacle de cette torture, où on va utiliser tout ce qu'il faut comme instruments à la fois médicaux et bricorama, si vous voulez, enfin, les chignoles, les marteaux, les scies, tout ce qu'il faut pour bricoler, pour massacrer des corps. Et le spectacle s'arrête là, quoi. Donc c'est pour ça qu'on parle de torture porn, c'est-à-dire une sorte de pornographie de la torture. C'est l'état ultime. Après, il ne peut plus y avoir autre chose. Qu'est-ce qui se passe au cinéma alors depuis 30 ans dans ce cas ? Il y a plus de gore. On est dans la redite. C'est-à-dire que d'un côté, le gore a complètement essaimé dans le cinéma traditionnel. Vous allez voir une comédie, vous pouvez tout à fait avoir une séquence gore. Hein. Je veux dire, Les Visiteurs, Germinal. Ce sont des séquences. Oui. Il y a des séquences. Ou dans des thrillers, ou dans ce que vous voulez. Et puis, il y a toujours des films gore, des films d'horreur, mais qui sont que dans la redite des mêmes schémas, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui a été fait. Votre livre, en tout cas, n'est pas dans la redite, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est sans doute le premier, je pense, sur le cinéma gore, le seul, et j'en appelle à une nouvelle édition, puisqu'il n'est plus disponible. Il est épuisé. Il est épuisé, bien le livre, pas vous en tout cas. Le cinéma gore, une esthétique du sang, était disponible aux éditions du Cerf. On espère pouvoir le lire bientôt dans une autre collection. Merci Philippe Rouillet, à bientôt. Merci. Bloodstains de Agent Orange sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux couvertures des livres de philosophie. Oui. Comment donner envie de lire de la philosophie ? Eh bien, c'est la question que je me suis posée suite à un défi qui a tourné sur Twitter ces dernières semaines. Chaque jour, une personne invitée à le faire devait partager pendant 7 jours et sans commentaire la couverture d'un livre qu'elle a aimé. Peut-être l'avez-vous fait, je ne sais pas. Eh oui, et Philippe Rouillet aussi, je crois. Bande dessinée, roman ou essai, photo prise de ses livres lus et relus avec post-it et pages cornées à l'appui, ou copier-coller de couvertures trouvées sur Internet, tout ce sommet de relever le défi ont transformé pendant quelques jours l'imagerie des réseaux sociaux. Aux photos de repas, de chats et aux captures d'écran se sont substituées, entre autres, les confessions de Jean-Jacques Rousseau, le métier de sociologue de Pierre Bourdieu ou encore le rap français, une exploration en 100 albums de Mehdi Mezi. Le tout avec des couvertures plus ou moins alléchantes, dans des éditions plus ou moins datées et des couleurs plus ou moins austères ou flashy. D'où ma question concernant les essais philosophiques, comment en une seule couverture donner envie d'ouvrir un livre, qui plus est un livre dont le titre et le propos n'ont parfois rien d'aguicheur, bien au contraire. André Malraux a dit du cinéma, par ailleurs c'est une industrie. Il en est ainsi de la littérature. Pour qu'il y ait des livres, il faut des éditeurs. Mais ceci ressemble-t-il aux producteurs de cinéma ? C'est ce que Lire va s'efforcer de savoir en entreprenant une série de reportages sur les éditeurs français. De Sven Nielsen à Christian Bourgois et de Bernard Privat à Robert Laffont, en commençant par une fête, la fête à Gallimard, pourrait-on dire. Une fois l'an, Gaston Gallimard reçoit la littérature. À la librairie Gallimard. Depuis 50 ans, la Nouvelle Revue Française incarne, d'une certaine manière, la littérature. Sur la couverture blanche et rouge que Jean Schumberger a dessinée vers 1912, nous avons découvert Malraux et Sartre, Camus et Claudel, Genet, Michaud, Éluard, tant d'autres. Qu'est-ce qui vous donne envie de lire un livre de philosophie? J'imagine que c'est la question que se posent tous les éditeurs d'essais. Au-delà de faire découvrir des œuvres, des auteurs ou des pensées, au-delà d'un désir de transmission ou de participation à un patrimoine culturel, la question de donner envie d'ouvrir le livre que l'on a pris soin de publier semble bien sûr essentielle. Et j'imagine que chaque éditeur tente de se mettre dans la peau d'un lecteur à ce moment-là de la chaîne de production et que publier Sartre ou Camus, être Gallimard et avoir les moyens d'une maison d'édition reconnue ou avoir dans les mains un chef-d'œuvre conceptuel ne suffit pas toujours à assurer cette envie auprès du public. Mais la question en fait recouvre plusieurs aspects. Le premier aspect pourrait être celui du titre et de l'auteur. Bien s'il s'agit de la critique de la raison pure, rien à faire, Kant restera Kant et la critique la critique. Mais pour les plus récents et les philosophes moins connus, faut-il un titre imagé, aguicheur, voire racoleur, ou un titre qui dit ce qu'il en est? De manière générale, faut-il rendre sexy un livre au prix du sérieux que l'on attend de lui ou accorder le paraître sur l'être? Par exemple, si j'écris un texte sur l'herméneutique du sujet, comme Michel Foucault, devrais-je parier sur la lisibilité du propos ou le rendre attractif? Préférez-vous ouvrir un livre qui a pour titre l'herméneutique du sujet ou, plus aguicheur peut-être, le souci de soi? Alors certains ne choisissent pas, l'un devenant le sous-titre de l'autre. Lorsque Montaigne a écrit ses œuvres, n'est-ce pas, ou Jean-Jacques Rousseau et les autres, n'est-ce pas, est-ce que c'est pour soi-même qu'il l'a fait, n'est-ce pas, il l'a fait pour les autres? Ça peut être inconscient, subconscient, n'est-ce pas, ou conscient, n'est-ce pas, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a rien de plus merveilleux, vous voyez, que donner à voir, n'est-ce pas, je crois, c'est Eluard qui a dit, n'est-ce pas, j'ai retenu cette phrase merveilleuse, n'est-ce pas, donner à voir, c'est tout de même quelque chose d'absolument enivrant, n'est-ce pas, absolument merveilleux. Le deuxième aspect à cette question, comment donner envie de lire de la philosophie en une seule couverture, relève bien évidemment aussi d'un choix esthétique. On vient d'entendre la voix du plasticien Victor Vasarely. Dans la rétrospective que lui consacre en ce moment le Centre Pompidou, on peut admirer les multiples couvertures qu'il a faites pour la collection Tel Gallimard. 95 titres au total de 1976 à 1985. Avec lui, Gallimard faisait le choix de mettre au goût du jour des classiques de la pensée. Avec son art optique, le principe de décomposition de Cioran, le visible et l'invisible de Merleau-Ponty, où l'expérience intérieure de Bataille prenait ainsi une autre perspective. Vasarely donnait à voir ses œuvres. Mais la question est là, pour donner envie de lire, que donner à voir d'un livre? Faut-il des illustrations et lesquelles? Gallimard, par exemple, fait le choix du contemporain. Mais Folio a fait celui du classique. C'est un portrait, par exemple, de Rousseau qui orne ses confessions. Faut-il des photos d'auteurs? Alors ça, je ne sais pas. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la collection Premier Cycle des éditions PUF qui faisait poser des universitaires en couverture. C'est assez années 90. Ça a traumatisé des générations d'étudiants. Oui, ça les a marqués. Ils l'ont toujours dans leur bibliothèque. Comme quoi, ça a marché. Ouais. Faut-il de la couleur? Les lecteurs de philosophie, élèves, étudiants, professeurs, amoureux de la discipline, pourront parler du jaune pétant, de la collection Champ chez Flammarion, du blanc crème, rassurant mais sérieux, de l'ordre philosophique au seuil, ou du blanc pas du tout cassé, des livres édités chez Vrin, sans oublier le rouge vermillon, qui en impose sans dramatiser de la collection Quadrige aux presses universitaires de France. Alors quel est le troisième aspect, Géraldine? Eh bien Adèle, le troisième aspect que soulève cette question de l'envie de lire un livre de philosophie à partir seulement d'une couverture, c'est celui aussi, évidemment, de l'amour ou de l'attachement que l'on a pour une collection ou une maison d'édition. Et cet attachement, il vient de l'esprit qui s'en dégage, qui forme un tout entre le fond et la forme. Ce sont, je cite là des éditions que je trouve particulièrement jolies, par exemple les très belles éditions Alia, le choix engagé aussi actuel des éditions La Découverte, puis il y a aussi la sélection séduisante des éditions Climat, ou encore les éditions du Dehors et de l'Incidence, et puis bien sûr Le Bruit du Temps qui a un très beau grain de papier. Mais cet attachement peut aussi venir du fait que l'on a été sauvé par un de ces livres. Alors moi je vais en citer deux. Pour ma part, ce sont les Que sais-je et les Garnier Flammarion aux introductions essentielles. Et vous par exemple Adèle? Les livres de philosophie qui m'ont sauvé, les collections, ce sont les Vocabulaires Ellipse. J'ai passé toutes mes études à essayer de les apprendre par cœur. Aujourd'hui, j'en reçois les auteurs, c'est assez agréable. Ils ne les connaissent pas par cœur eux-mêmes, d'ailleurs. Alors Géraldine, vous nous conseillez de lire des livres en particulier, tous les ouvrages de philo, en fait? Je vous conseille de lire, de regarder sur le site, sur la page Journal de la Philo. On va mettre plusieurs choix de couverture. Vous pourrez nous dire celles qui on vous plaisent le plus. On peut organiser un vote sur Twitter. Exactement. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzincan à la prise de son, Yvan Moran qui lit les textes gore pour vous. Demain d'ailleurs, on vous proposera la suite de notre philosophie du gore. Demain, nous serons en compagnie de Barbara Lemaître pour une anthropologie du zombie. Ce sera demain à 10h donc, mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, pourquoi pas dans le noir pour vous faire peur. Rendez-vous aussi sur les réseaux. L'équipe des chemins de la philosophie sera ravie de répondre à vos questions. Facebook, Twitter et Instagram, autant de moyens de rentrer en contact avec nous. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.